être parfait. Jamais montrer ses failles, puisqu'il nous faut garder secret ces douleurs qui nous entaillent. Partout des icônes retouchées, ceint de le beau du mal, des vérités de papier glacé prêchent pour nous l'idéal. Quand télévisé devient la voix, mieux vaut en dévier ses pas, car ma vie s'enlise, oui ma vie s'enlise, noyée au fond de ce miroir. Éthique.